partir dans l'espace, mais vous dites que c'est impossible. Eh bien non, car aujourd'hui, grâce au ticket pour l'espace, votre rêve peut devenir réalité. Vous voulez partir dans l'espace? Dans la vie, on peut se prendre la gueule un peu trop. Présomption.